J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien, je ne viens pas me plaindre. Je n'échangerai ma place contre aucune autre parce qu'être virgine et dépente me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire. Je trouve ça formidable qu'il y ait aussi des femmes qui aiment séduire, qui sachent séduire, d'autres se faire épouser dès qu'ils sentent le sexe et d'autres le gâteau du goûter des enfants qui sortent de l'école. Formidable qu'il y en ait de très douces, d'autres épanouies dans leur féminité, qu'il y en ait de jeunes, très belles, d'autres coquettes et rayonnantes. Franchement, je suis bien contente pour toutes celles à qui les choses telles qu'elles sont conviennent. C'est dit sans la moindre ironie. Il se trouve simplement que je ne fais pas partie de celles-là. Bien sûr que je n'écrirais pas ce que j'écris si j'étais belle. Belle à changer l'attitude de tous les hommes que je croise. C'est en tant que prolote de la féminité que je parle, que j'ai parlé hier et que je recommence aujourd'hui. Quand j'étais au RMI, je ne ressentais aucune honte d'être une exclue, juste de la colère. C'est la même en tant que femme. Je ne ressens pas la moindre honte de ne pas être une super bonne meuf. En revanche, je suis verte de rage qu'en tant que fille qui intéresse peu les hommes, on cherche sans cesse à me faire savoir que je ne devrais même pas être là. On a toujours existé, même s'il n'était pas question de nous dans les romans d'hommes qui n'imaginent que des femmes avec qui ils voudraient coucher. On a toujours existé, on n'a jamais parlé. Même aujourd'hui que les femmes publient beaucoup de romans, on rencontre rarement de personnages féminins au physique ingrat ou médiocre, inaptes à aimer les hommes ou à s'en faire aimer. Au contraire, les héroïnes contemporaines aiment les hommes, les rencontrent facilement, couchent avec eux en deux chapitres, elles jouissent en quatre lignes et elles aiment tout le sexe. La figure de la loseuse de la féminité m'est plus que sympathique. Elle m'est essentielle. Exactement comme la figure du loser social, économique ou politique. Je préfère ceux qui n'y arrivent pas, pour la bonne et simple raison que je n'y arrive pas très bien moi-même. Et que dans l'ensemble, l'humour et l'inventivité se situent plutôt de notre côté. Quand on n'a pas ce qu'il faut pour se la péter, on est souvent plus créatif. Je suis plutôt King Kong que Kate Moss comme fille. Je suis ce genre de femme qu'on n'épouse pas, avec qui on ne fait pas d'enfant. Je parle de ma place de femme, toujours trop douce ce qu'elle est, et trop agressive, trop bruyante, trop grosse, trop brutale, trop hirsute, toujours trop virile, me dit-on. Ce sont pourtant mes qualités viriles qui font de moi autre chose qu'un cas social parmi les autres. Tout ce que j'aime dans ma vie, tout ce qui m'a sauvée, je le dois à ma virilité. C'est donc ici, en tant que femme inapte, à attirer l'attention masculine, à satisfaire le désir masculin et à me satisfaire d'une place à l'ombre que j'écris. C'est d'ici que j'écris en tant que femme non séduisante, mais ambitieuse, attirée par l'argent que je gagne moi-même, attirée par le pouvoir de faire et de refuser, attirée par la ville plutôt que par l'intérieur, toujours excitée par les expériences et incapable de me satisfaire du récit qu'on m'en fera. Je m'entable de mettre la gaule à des hommes qui ne me font pas rêver. Il ne m'est jamais paru flagrant que les filles séduisantes s'éclataient tant que ça. Je me suis toujours sentie moche, je m'en accommode, d'autant mieux que ça m'a sauvée d'une vie de merde, à me coltiner des mecs gentils qui ne m'auraient jamais emmené plus loin que la ligne bleue des Vosges. Je suis contente de moi, comme ça, plus désirante que désirable. J'écris donc d'ici, de chez les invendus, les tordus, celles qui ont le crâne rasé, celles qui ne savent pas s'habiller, celles qui ont peur de puer, celles qui ont les chicots pourris, celles qui ne savent pas s'y prendre, celles à qui les hommes ne font pas de cadeaux, celles qui baiseraient avec n'importe qui voulant bien d'elles, les grosses putes, les petites salopes, les femmes à chatte toujours sèches, celles qui ont des gros bides, celles qui voudraient être des hommes, celles qui se prennent pour des hommes, celles qui rêvent de faire hardeuse. Celles qui n'en ont rien à foutre des mecs, mais que leurs copines intéressent. Celles qui ont un gros cul, celles qui ont les poils drus et bien noirs et qui ne vont pas se faire épiler. Les femmes brutales, bruyantes, celles qui cassent tout sur leur passage. Celles qui n'aiment pas les parfumeries. Celles qui se mettent du rouge, trop rouge. Celles qui sont trop mal foutues pour pouvoir se taper comme des chaudasses, mais qui en crèvent d'envie. Celles qui veulent porter des fringues d'hommes et la barbe dans la rue. Celles qui veulent tout montrer, celles qui sont pudiques par complexe, celles qui ne savent pas dire non, celles qu'on enferme pour les mater, celles qui font peur, celles qui font pitié, celles qui ne font pas envie, celles qui ont la peau flasque, des rides plein la face, celles qui rêvent de se faire lifter, liposucer, péter le nez pour le refaire mais qui n'ont pas d'argent pour le faire, celles qui ne ressemblent plus à rien, celles qui ne comptent que sur elles-mêmes pour se protéger, celles qui ne savent pas être rassurantes, celles qui s'en foutent de leurs enfants, celles qui aiment boire jusqu'à se vautrer par terre dans les bars, celles qui ne savent pas se tenir, puis aller aussi bien dans la foulée que pour les hommes qui n'ont pas envie d'être protecteurs, ceux qui voudraient l'être mais ne savent pas s'y prendre, ceux qui ne savent pas se battre, ceux qui chialent volontiers, ceux qui ne sont pas ambitieux, ni compétitifs, ni bien membrés, ni agressifs, ceux qui sont craintifs, timides, vulnérables, ceux qui préféreraient s'occuper de la maison plutôt que d'aller travailler, ceux qui sont délicats, chauves, trop pauvres pour plaire, ceux qui ont envie de se faire mettre, ceux qui ne veulent pas qu'on compte sur eux, ceux qui ont peur tout seul le soir. Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant mais sans trop réussir pour ne pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, maman épanouie mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler, à part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose, de toute façon, je ne l'ai jamais croisée nulle part. Je crois bien qu'elle n'existe pas. Micro ouvert. Donc, on se retrouve à l'ULB. Vous voyez, cette université libre de Bruxelles. Et bon, faut savoir que moi, je connais pas du tout l'UNIF, hein, donc je suis rentrée dans les couloirs avec plein de numéros, et j'ai réussi à trouver le master en genre. Il est ici devant moi. Voilà, petite présentation de vous-même ou pas. Vous avez pas envie de vous présenter, vous êtes libre. Oui, je ne suis pas le master à moi toute seule, loin de là. Donc je participe au master. Donc voilà, et j'enseigne l'histoire, et notamment l'histoire des femmes, l'histoire du genre, des sexualités, etc., etc. Mais voilà, j'enseigne ici à l'ULB et je participe donc au master genre. Et comment ça se fait alors, parce que c'est la première année que ça s'est mis en place, le master genre, pourquoi déjà? Comment ça se fait que c'est maintenant que le master en genre? Parce que j'ai vu que c'était aussi une idée... Master en genre à l'ULB, qui reliait plusieurs universités en Belgique. Oui, donc ce n'est pas le master genre de l'ULB, c'est un master genre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui regroupe les 6 universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'est le seul master qui regroupe les 6 universités, la totalité des universités. En gros, ça veut dire que ça n'existe pas ailleurs. Voilà, ça n'existe pas ailleurs et c'est une première. Et donc, il a été ouvert le 15 septembre dernier, donc c'est tout récent, tout chaud. Et c'est évidemment un très très long combat qui arrive enfin à terme. Et aujourd'hui, pourquoi? Aujourd'hui, pourquoi maintenant? Parce que là, tout à coup, la conjonction des planètes a fait que... et le monde politique, et le monde académique, et le monde militant, etc., etc. C'est des années de travail qui font qu'à un moment donné, ben voilà, ça sort du chapeau. Ah oui, donc il y avait une réelle volonté, quoi, de votre part, de qui exactement, de quoi, de... Vous voyez, parce que ça va un peu comme si on parle, on ne sait pas de qui on parle, une volonté, mais de qui, de quoi? Ah, pas une volonté du monde associatif depuis très longtemps, et des militantes, essentiellement des militantes féministes notamment, et du mouvement LGBT, de pouvoir parler de genre dans des études universitaires. Donc ça date depuis les années 70, hein, de pouvoir montrer que le féminisme, ce n'est pas qu'un mouvement militant, ça l'est, mais c'est aussi des théories, une pensée qui a bouleversé les disciplines universitaires et qui a fait avancer les choses. Donc c'est un mouvement qui date, qui est de font depuis très longtemps, hein, c'est de pouvoir apporter ce savoir au sein des universités, et puis peu à peu ça s'est fait, hein, les années 70, 80, 90, ça s'est fait, des cours ont commencé à se créer un peu partout dans les universités. Oui, donc c'était déjà en cours alors, à partir des années 70, C'est ce que je comprends. Oui, c'était déjà en cours, mais c'était justement des cours. C'était une personne qui donnait un cours de temps en temps, que ce soit en histoire, en sociologie, en sciences po, en anthropo. Et peu à peu, voilà, on a vu des cours qui ont d'abord traité de ce qu'on a appelé des études féministes, et puis peu à peu qui ont parlé d'études de genre. Et voilà, ça a un peu bougé, mais il n'y avait toujours pas, on ne pouvait toujours pas faire des études en genre en Belgique, alors que maintenant, depuis une dizaine d'années au moins, dans des pays francophones, je pense à l'Université de Genève, ou à l'EHESS à Paris, ou à Toulouse, ou à Lyon, on a vu des masters voir le jour dans cette discipline, enfin, c'est pas une discipline, mais dans ce concept interdisciplinaire d'ailleurs, qu'est le genre. Et la Belgique francophone était vraiment restée à la traîne. Et donc, on rattrape un peu le temps perdu en créant ce master genre. Ok, donc moi, je débarque. Hein, j'essaie de comprendre ce que vous êtes occupé à me dire. Donc, il y a eu, dans les années 70, hein, la révolution, appelons-la comme ça pour faire simple. Hein, parce que, bon, après, on peut discuter si c'est vraiment une révolution ou pas. Mais il y a eu cette révolution des femmes féministes. Après, ce serait peut-être bien de voir la différence entre genre, parce que j'imagine que le mot, bah, simplement, il ne dit pas la même chose. Hein. Genre et le mouvement féministe, ce n'est pas la même chose quand même. Mais si je comprends bien, à partir des années 70, il y a eu des cours par-ci, par-là sur ce statut des femmes, on va dire ça comme ça. Seulement aujourd'hui, il y a la grande différence et donc c'est un grand moment quand même. C'est ça ? C'est ça. C'est un grand moment quand même. Il y a un master en genre, voilà, et un master en 2 ans ? Non, non, non, c'est un master de spécialisation en une année. Donc c'est 60 CTS, on a dû créer ce master de toutes pièces, hein, donc en très peu de temps, en essayant d'impliquer. Et en cherchant, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait pas mal de cours, une cinquantaine de cours existants dans nos universités qui touchent de près, quelquefois d'un peu moins près, enfin de près, les thématiques de genre, de sexualité, de tout ce qu'on appelle genre, en fait, dans nos universités. Donc, on a un peu mis tout ça ensemble, on a créé un tronc commun, c'est-à-dire 6 cours pour chaque université, et ça, c'est des nouveaux cours qui n'existent que pour les étudiants qui suivent ce master. Ça, on les a créés, et puis il y a des cours à option, évidemment, qui montrent bien la diversité des études de genre qui touche autant à l'histoire, à la psychologie, à la littérature, aux arts, voilà. Donc tous ces cours sont maintenant accessibles dans ce master genre. Et quoi alors, c'est quoi la différence entre genre ? Moi, je peux vous le dire comment je l'entends. Hein, le genre, on a une carte d'identité, c'est noté genre, sexe féminin, sexe masculin. C'est ça le genre en fait. Non, pas vraiment. Enfin, c'est évidemment tout le problème entre le sexe et le genre. Le genre, c'est vraiment ce qu'on a longtemps traduit en français, puisque ça nous vient des États-Unis, essentiellement, le genre, le gender. Alors au début, on l'a traduit gender, et puis ça, l'anti-américanisme, quelquefois, a poussé à d'autres traductions. Et donc, on l'a d'abord traduit comme les rapports sociaux de sexe. Donc c'est pas tout à fait le sexe, évidemment, les rapports sociaux de sexe, certains disent le sexe culturel, le sexe social, c'est le fait de comment c'est la construction sociale de nos identités en tant que femme ou en tant qu'homme ou en tant qu'autre d'ailleurs, et c'est tout cette organisation culturelle, sociale de nos sexes, de notre sexualité aussi d'ailleurs, qui font que nous sommes ce que nous sommes d'une certaine manière. Enfin, l'exemple que je prends toujours, c'est pour être encore peut-être plus clair, c'est si vous faites la vaisselle le soir à la maison et si vous occupez des tâches ménagères, hein, 80% des couples, dans 80% des couples, ce sont les femmes qui prennent la grande majorité des tâches ménagères en Belgique, hein, qui fait que nous sommes d'ailleurs dans le peloton, pas de tête, mais de queue, au niveau international. Si on fait ces tâches ménagères en tant que femme, c'est pas parce qu'on a des ovaires. Ça, c'est le sexe, c'est lié au biologique. On sait bien que c'est pas lié à ça. Si les hommes ne pleurent pas, c'est pas parce qu'ils ont pas, ils ont moins de liquide dans les yeux. C'est pas ça non plus. C'est qu'il y a bien là une construction très forte d'ailleurs dans nos sociétés historiques, sociales, culturelles, qui agit sur nous. Bref, le genre, c'est tout ça en fait. Donc ça traverse évidemment toutes les disciplines, ça traverse toutes les thématiques. C'est ça qui est passionnant dans le genre. Le genre, c'est vraiment un concept, une grille de lecture en fait de notre société et qui est un concept qui provient évidemment en partie du féminisme et qui a bouleversé énormément de choses depuis 20 ou 30 ans en tout cas dans le monde académique belge et français, enfin francophone. Et ce qui est fou, c'est que c'est dingue parce que toute cette histoire, elle n'est pas vieille en fait, de cette histoire de femmes, par exemple, dans les années 60-70, toute cette révolution qu'on appelle des femmes, là, c'est pas vieux, en fait, quand vous regardez. On est en 2017, il n'y a pas... J'ai l'impression que ça s'est endormi aussi, quand on regarde en arrière. Il y a vraiment eu les femmes dans la rue, il y a eu plein... Enfin, la pilule, ça a vraiment été aussi une révolution, je trouve, la pilule, et puis... Vous dites l'avortement, aussi le combat pour la dépénalisation de l'avortement ou pour oui bien sûr c'est pas loin du tout non. Et en fait ça l'est aussi et on se rend compte que déjà ce que les féministes remarquaient dès 1970 c'était un peu l'année zéro de la liberté des femmes du mouvement des femmes c'est qu'elles redémarraient à zéro avec cette sensation de redémarrer à zéro puisque le féminisme n'est pas né non plus en 70 c'est le néo-féminisme il y a évidemment des féministes au 19e siècle qui se revendiquent en tant que telles donc c'est mais c'est toujours cette nécessité de redécouvrir son histoire. Ce sont des mouvements qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont jamais eu d'ancrage scientifique, académique. On a souvent considéré qu'elles n'avaient pas d'histoire, ces femmes aussi, que les femmes n'ont pas d'histoire, que le mouvement féministe n'a pas d'histoire. Et donc, évidemment, il faut donner une visibilité. C'est aussi important, une visibilité académique. Les universités américaines, anglaises et autres l'ont compris depuis très longtemps. Et l'Europe est restée un peu à la traîne, et la Belgique encore plus. Et donc vous, alors j'ai pas retenu votre prénom, je suis désolée. Valérie. Valérie, vous avez donc mis en place ce master en genre. Vous êtes professeur d'histoire, j'ai retenu. Et quoi, comment expliquez-nous un peu, c'est quoi la matière en fait? Qu'est-ce qui va, comment ça va se préparer? Comment ça se déroule? C'est quoi la matière en fait, voilà. La matière de quoi? De ce master en genre. Donc j'ai participé à la construction de ce master avec tous des collègues de chaque université. Donc je ne suis pas seul, évidemment, on était une dizaine autour de la table, 12 normalement, deux personnes par université. Et donc on a élaboré un programme. Et donc dans le tronc commun, on revient un peu aux fondamentaux du genre, donc avec d'abord la philosophie, philosophie et notamment les philosophies féministes. Les philosophes ne sont pas que des hommes, loin de là. Ils ont souvent pensé le monde sous un mode masculin, mais des femmes pour avoir des petites idées. Donna Haraway ou évidemment Judith Butler aujourd'hui ou d'autres ont quand même révolutionné aussi la philosophie. On fait avancer la philo et aussi fait avancer la philo sur des questions plus liées aux sphères sexuées et sexuelles. Donc il y aura des textes de philosophes et donc en cours de philosophie. Et puis en cours aussi sur les fondamentaux sociologiques, en sociologie notamment, les grands textes de Simone de Beauvoir, on peut en citer d'autres, de Virginia Woolf, des penseuses et des penseurs qui ont fait le genre. Donc philo, sociaux, il y aura en cours de méthode, comment faire une recherche en genre, l'invisibilité des femmes notamment, quels sont les biais de la recherche quand on mène une recherche en termes de genre. Et puis il y a des thématiques, donc une thématique en cours que je connais mieux puisque je le donne avec David Paternotte, qui touche au genre, à la société et à la sexualité. Donc le thème de sexualité et genre, en fait. Ça, c'est une thématique. Une autre thématique qui va tourner autour du travail et de l'emploi. Et le dernier cours tourne autour du corps. Donc trois thématiques. Sexualité, travail et corps, et trois fondamentaux, on va dire, philosophie, sociologie et méthode. Ça, c'est le tronc commun. Ces cours se donnent dans un endroit neutre, puisque c'est un master interuniversitaire des 6 universités, donc il se donne en dehors de l'université, et il se donne tous les vendredis à l'Académie royale. Donc là, les 6 cours se donnent là. Et puis, donc ça, c'est pour ces 6 cours sur toute l'année. Et puis, il y a alors 15 CTS à choisir dans des cours à option, une cinquantaine de cours à option, des cours qui existent ici, à Louvain, à Liège, à Mons, un peu partout. Donc là, il y a un choix. Là, les étudiants et étudiantes peuvent choisir... Pour compléter, alors, c'est ça, si je comprends bien, parce que je connais rien. Pour s'ouvrir, en fait. Il y a les cours obligatoires et puis il y a des cours optionnels. Là, ils peuvent choisir en fonction de leur affinité. Ils veulent plus être sur tel site, hein, ça peut être l'aspect... purement pragmatique, mais aussi ils sont plus touchés à des thématiques qui touchent à la psychologie, bon voilà, ou à la famille. Alors il y a des cours en droit, en psycho, en histoire, voilà. Et puis donc là, ils peuvent faire le choix de 15 CTS de cours à option. Et puis, il y a un mémoire à rendre, un mémoire donc en une année, évidemment, ce n'est pas les mêmes demandes qu'en mémoire d'un master 120, mais en mémoire d'un master 60, mémoire théorique ou mémoire pratique, c'est-à-dire lié à un stage dans une association. Oui, c'est pas mal, hein, c'est bien. Et c'est la première année, il va y avoir des surprises, mais on en ressortirait... Ah oui, c'est quoi le but essentiel de ce master en genre, un truc vraiment fondamental de se dire, parce qu'il y a le genre, j'ai bien compris votre définition, j'essaye de la retenir, hein, et puis il y a, est-ce que c'est la même chose, le statut de la femme Ça englobe cela, c'est connaître, oui, évidemment, le statut de la femme, mais c'est comprendre pourquoi une politique qui est menée aujourd'hui n'est jamais neutre, par exemple, même si elle se dit universelle. Parlons des pensions aujourd'hui. Allonger le temps de la pension, on se dit que c'est une loi, une mesure qui va toucher les deux sexes. On sait bien que dans la pratique, c'est tout à fait faux pour plein de raisons différentes, parce que les femmes gagnent moins, parce qu'elles sont plus dans les temps partiels, pour plein de raisons. Donc quelque chose qui peut avoir l'air de tout à fait neutre, universel, ne l'est en fait pas du tout dans la pratique. Et le politique le sait évidemment, puisqu'il est censé être expert en la matière quand même, non ? Il est normalement censé le savoir, mais ça l'arrange de faire semblant de ne pas le savoir, mais évidemment que ce n'est pas égalitaire comme loi, même si ça apparaît sur papier. Donc voilà, ça c'est un exemple, mais on peut en citer mille, hein, que ce soit dans l'enseignement ou partout. Donc c'est aussi de former véritablement des gens à cette expertise-là, à pouvoir décoder les choses. On dit toujours de mettre des lunettes, genre hein, analyser, que ce soit des politiques, mais ça peut être plein d'autres choses, à la lumière du genre, mettre des lunettes genre, et une fois que vous les mettez, vous ne les enlevez plus, hein, vous comprenez véritablement la société différemment, que ce soit en histoire, que ce soit en sociologie ou en politique. Ah, c'est bien expliqué, là, je vois déjà de mieux aussi, moi. Non, c'est vrai, parce que sinon, oui, on se demande pourquoi, comment, mais c'est vrai qu'une fois que vous avez reçu... vous êtes historienne, donc vous avez plein de choses aussi à dire sur l'histoire des femmes, quoi. Oui, ça c'est en cours que je donne. Enfin, je donne en cours d'histoire du genre ici depuis plus d'une dizaine d'années, qui peut être en cours en option d'ailleurs dans le master, que je donne avec Muriel Andrin, qui s'occupe plus, elle, de l'histoire des représentations et du cinéma notamment, et du genre dans les représentations. Mais oui, évidemment, l'histoire est tout à fait fondamentale pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et est-ce que ça a bougé? Est-ce qu'il y a des choses positives? Est-ce qu'il y a des choses où moins aller plus négatives sur comme ça un siècle? Il y a évidemment des choses qui ont beaucoup bougé pour la condition des femmes en un siècle, ça c'est sûr. Mais au bout du compte, voilà, l'histoire n'est jamais quelque chose d'extrêmement... c'est évolutif, ça peut être progressiste, mais ça peut aussi... il peut avoir des retours de bâton, il peut avoir des retours en arrière. Et pour l'instant, on n'est pas spécialement dans une phase très progressiste. Hein, l'ordre moral étant notamment de retour, la crise économique et autres, tout ça n'est jamais très bon pour les femmes et pour le corps des femmes. Donc je crois qu'on est plutôt dans une phase défensive, d'ailleurs, et problématique de ce point de vue-là. Enfin, c'est vrai que si on voit ça avec un siècle de recul, on peut se dire que les choses ont énormément évolué, puisqu'ils évoluent aujourd'hui... Ah oui, énormément, mais quoi, enfin, c'est vraiment une petite boutade, mais en même temps, comme ça, on rentre un peu dans le vif du sujet, mais... Vous trouvez que ça a bougé? C'est-à-dire que oui, la femme, maintenant, elle peut voter. Elle est devenue une personne. Elle a son compte en banque. Elle peut travailler. Mais quoi? Elle peut voter. Elle peut décider d'avoir ou non des enfants. Son ventre lui appartient. Elle peut être ici à l'université. Elle peut rentrer à l'université. Elle peut faire des études. Alors, on dit qu'elle a le choix de ses études. C'est vrai que sur papier, elle les a. Et pourtant, on se rend compte que là aussi, il y a des biais, hein, puisque la plupart et majoritairement, les filles choisissent, entre guillemets, des études plutôt en sciences sociales ou en sciences humaines et beaucoup moins en sciences dites exactes, et que ce n'est pas anodin, évidemment, là aussi, il y a une construction derrière tout ça. Donc oui, il y a quand même des acquis, on ne voit pas non plus que ce soit en droit civil ou en accès de la citoyenneté, il y a des acquis tout à fait fondamentaux. Maintenant, rien n'est jamais acquis et rien n'est jamais totalement gagné, ça c'est évident. Oui, on recule, on en a un peu dans une période où on reculerait sur les droits des femmes et tout ça, et en même temps il y a un master en genre qui s'ouvre. C'est peut-être pas anodin hein, que ça arrive maintenant, même si c'est un vrai combat hein, je veux dire, pour beaucoup d'associations, notamment SOFIA hein, qui est une association en études genre ici en Belgique, bilingue, fédérale, et qui regroupe aussi des représentantes du monde académique et qui milite pour faire véritablement un réseau d'études genre. Ben, SOFIA s'est beaucoup battue pour ce master et a, depuis 2011, déjà rendu un rapport au monde académique et au recteur donc, et aux politiques pour dire... pour dire que ce master était faisable, sur la faisabilité de ce master. Ça a encore mis des années, encore 5 ans, 6 ans, pour que ce master voit le jour. Mais je crois qu'il est profondément nécessaire et utile. Et d'ailleurs, il y a une forme quand même d'engouement. On a quand même 68 inscrits à ce master cette année, alors qu'on a commencé véritablement à en parler au mois de juin. Pour un master de spécialisation interuniversitaire en une année, c'est pas mal, hein, c'est même très très bien. Donc oui, je crois qu'il y avait une véritable attente des gens de pouvoir être formés dans ces questions-là. Donc l'idée, c'est aussi de créer plus d'égalité, du coup aussi avec... dans le futur, quoi, une fois qu'on a fait un master en genre et qu'on a ces lunettes, comme vous expliquez, je trouve que c'était bien expliqué, ben du coup, on est plus armé aussi à regarder au fond, allez, la grande différence peut-être entre le masculin et le féminin. Tout ça est une construction, évidemment, mais c'est les inégalités, quoi. En fait, au bout du bout, c'est quoi ? C'est prôner une égalité, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les tâches ménagères, que ce soit dans une société, en fait, voilà. Bien sûr, c'est pointer les discriminations, les inégalités persistantes sur les questions, en termes de genre, en termes de sexualité, c'est de devenir des experts dans ces domaines-là, et ça nous manque beaucoup dans les administrations. Il y a des postes qui s'ouvrent en termes de genre. Hein, l'Europe en a appelé depuis des années et des années à ce que le genre entre un peu partout. Au niveau local, au niveau fédéral et autres. Et donc là, oui, là, on va pouvoir enfin avoir des spécialistes sur ces questions-là. Donc oui, je crois que c'est vraiment fondamental. Mais donc plus d'égalité, alors, du coup. Parce qu'il ne suffit pas de dire, oui, le genre, on est différent, on n'est pas les mêmes. Enfin, vous voyez, au bout du bout, tout ça, si on doit regarder... politiquement, c'est-à-dire le vivre ensemble, hein, pas les partis, on s'en fout, mais quoi. Alors, du coup, c'est une option pour viser quand même plus d'égalité dans cette société, quoi. Oui, bien sûr, c'est fondamental. Enfin, c'est la base même de ce diplôme, c'est pouvoir avoir, entre guillemets, une armée, d'une certaine manière, de spécialistes pour lutter contre l'égalité. Ça peut aussi être des gens qui ont envie de s'instruire, et c'est tout un pan de la recherche qu'on ne connaît pas. Les études universitaires doivent être professionnalisantes, et ce master l'est, évidemment, mais c'est aussi pouvoir enfin avoir des outils et être reconnu académiquement. Hein. Donc, il y a cette notion, alors moi, je ne l'aime pas trop... ce qu'elle peut être, nous être reprochée, mais de respectabilité aussi dans le champ disciplinaire qui a été quand même extrêmement contesté par certains, souvent par l'extrême droite ou par les milieux ultra-conservateurs. Donc voilà, je crois que c'est bien que cette armée, entre guillemets, hein, je mets bien tous les guillemets possibles, de spécialistes soit là. Maintenant, est-ce que c'est ça qui va faire que la société soit plus égalitaire? Voilà, je ne rêve pas non plus du jour au lendemain comme ça, mais en tout cas, oui, des gens qui peuvent décoder l'information différemment, qui peuvent décoder l'enseignement différemment, tout ce qui touche, on a des psychologues, on a des journalistes dans les étudiants, on a des gens qui travaillent en planning dans le monde associatif. Voilà, ça touche un peu tous des domaines, et de pouvoir mettre ses lunettes, hein, ses lunettes genre un peu partout, c'est tout à fait fondamental. Oui, puis il y avait aussi cette idée de homme-femme. C'était Nancy Houston. Vous voyez un petit peu sa pensée à elle? Elle avait fait des fois du bruit sur les réseaux sociaux avec sa vision un peu du féminisme. Vous voyez de qui je parle? Oui, je vois bien de qui vous parlez. Une romancière qui a écrit des chefs-d'œuvre et qui, par contre, se trouve à un peu... était moins sur la balle dans les tout derniers ouvrages, avec qui je suis moins d'accord, en tout cas, on va dire, qui a un peu critiqué très facilement les acquis et les apports du féminisme. Mais ça, bon, voilà, ça, c'est un choix de lecture. Oui, enfin, là, je ne sais pas trop de quoi vous parlez, mais l'idée, c'était de dire, Nancy Houston, elle disait, voilà, c'est pour discuter, on a le temps, quoi, on peut développer. C'est que... Donc moi je parlais d'une politique égalitaire, hein, c'est ça aussi, ben, ce master en genre, quoi, pour finir, c'est ça l'objectif quand même, un gros objectif. Et puis on aurait aussi tendance à dire aujourd'hui dans notre société que les femmes et les hommes, vous voyez, sont pareils. Et Nancy Houston, elle dit, ben non, ils sont pas pareils. Ils ont, les hormones différents. Et la femme peut porter des enfants et les hommes pas. Voilà, c'est clairement une grande différence. Ça, je pense pas qu'elles disent que ça entraîne plein de choses parce que la femme porte des enfants et l'homme pas. Mais en tout cas, la femme porte des enfants et hormonalement, son corps agit et sa tête agit avec ses hormones aussi, quoi. Tout comme un homme. Oui, elle a remis le naturel, hein, dans le biologique, dans la discussion. Alors voilà, je vais pas me lancer dans un débat avec elle, là. Mais je crois que les féministes ou les gens du genre n'ont jamais nié, parce que c'est toujours le reproche que l'on fait, le biologique. Le biologique est bien là, il y a bien des différences, et on peut discuter. J'ai l'impression, dans un futur, je m'avance comme ça, c'est qu'on gommerait toutes les différences, quoi. On serait, enfin, vous voyez, à vouloir l'égalité. Moi, je suis pour, évidemment. Et je suis pour aussi, comment dire ça, qu'on nous foute la paix, quoi. On en a envie d'être ce qu'on a envie d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'évidemment, toutes ces constructions, il faut les balayer. Voilà. Enfin, c'est une question qui me taraude un peu, de me dire, tiens, comme si la phase d'après, ce serait, on gomme toutes les différences et on est les mêmes, au fond. Petit extrait alors, mais qui n'est pas vraiment petit, il est quand même assez long, c'est-à-dire qu'elle développe quand même ses idées. Nancy Houston, écrivaine, j'aurais bien aimé évidemment la rencontrer pour lui poser ses questions directement, mais voilà, on l'écoute. Et si vous avez envie d'approfondir cette capsule, c'est sur les matins de France Culture, vous tapez ça et vous retrouverez l'entièreté de ce qu'elle dit. Et c'est sûr, moi j'ai juste envie de rajouter qu'il faut pouvoir, même si ça paraît des fois choquant ce que l'autre vous dit, de demander d'approfondir, c'est quoi cette pensée, d'où ça vient, etc. Et écoutez, c'est quand même intéressant. Je l'ai invité les matins jusqu'à 9h, Nancy Houston. Bonjour Nancy Houston. Bonjour Marc. Vous êtes notre invité ce matin et merci d'avoir accepté notre invitation pour Reflet dans un œil d'homme chez Actes Sud. Faut-il rappeler que vous êtes née au Canada, écrivaine canadienne d'expression à la fois anglaise et française, que vous vivez à Paris depuis maintenant longtemps et que vous avez publié de très nombreux livres qui ont souvent rencontré beaucoup de succès, des variations Goldberg à Histoire d'Omaya, au Cantique des Plaines, à Instrument des Ténèbres, L'Empreinte de l'Ange à Une Adoration, j'en passe encore, le très fameux Ligne de Faille en 2006, et puis encore Infrarouge, ou encore là, donc ce dernier chez Actes Sud, Reflet dans un œil d'homme, qui à la fois se propose de retracer l'histoire des femmes et de la domination masculine. On pourrait dire au départ que votre thèse est relativement simple, Nancy Houston, sous l'influence du combat féministe qui voulait imposer l'égalité homme-femme, les sociétés occidentales ont tendu vers peut-être trop de négation à votre goût de toute différence entre hommes et femmes. Or, ceci, dites-vous, sont bien différents, mais ils ne sont pas encore égaux, et tout se joue, au fond, désormais, depuis la nuit des temps, en un regard, celui du sujet sur l'objet, celui de l'homme sur la femme. Les premiers mots de votre livre sont sans appel. Des yeux masculins regardent un corps féminin, immense paradigme de notre espèce. Voilà, c'est donc ce qui nous distingue, nous, êtres humains, de l'animal, et c'est de là que part tout votre livre. Je ne dirais pas que tout se joue au moment d'un regard, mais c'est vrai que toute la réflexion de ce livre est orientée sur le thème du regard, comme son titre l'indique. Justement, quand j'écrivais Infrarouge, qui est mon dernier roman, qui avait pour protagoniste une photographe érotomane, je me suis aperçue que ça ne fonctionnait pas du tout de manière symétrique, le regard chez les hommes et les femmes. Et c'était assez étonnant de soudain réfléchir à la question homme-femme sous cet angle-là. C'était très nouveau et très, très amusant pour moi. Donc, cette photographe, Rena Greenblatt, adorait prendre des photos de ses hommes, ses amants, pendant qu'ils faisaient l'amour et même au moment de la jouissance, etc. Et je me suis aperçue que je ne connaissais presque rien de tel dans l'histoire de l'art. Et ensuite, je me suis dit, bon, c'est vrai que par ailleurs, les étudiantes ne tapissent pas les murs de leur chambre avec des photos de mecs à poil. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement de voyeuses. À la différence des hommes qui seraient tentés d'en mettre un peu partout, vous dites-vous. Voilà, les camionneuses dans la cabine du camion. On voit ça pas tellement. La tradition du calendrier Pirelli. Et voilà, oui, ouais. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, dans les années du MLF là-bas, le début du Women's Lib, il y avait eu quelques tentatives de proposer aux femmes des magazines où les hommes étaient nus. Et ces magazines ont été achetés essentiellement par des hommes. Par des hommes qui préfèrent les hommes. Et pas, voilà. Et donc les femmes, apparemment, c'était pas ça exactement qui les intéressait. Et voilà, je me suis dit, il se passe quelque chose de fascinant là. Et puis, ensuite, Nelly Arcan, la magnifique écrivaine et prostituée québécoise. À qui le livre est dédié. Enfin, qui est une grande source d'inspiration pour ce livre, en tout cas. Voilà. Vous nous rappelez qui est Nelly Arcan, pour ceux qui ne le sauraient pas? Pour moi, c'est une grande philosophe. C'est une Québécoise qui était étudiante à Montréal et qui, à la fois parce qu'elle avait besoin de sous, mais aussi parce qu'elle était une fille très sérieuse et lucide et qui avait envie de regarder la réalité en face, s'est prostituée pendant 2 ans, je crois, a été escorte en chambre comme ça, en appartement. Et elle a écrit sur cette expérience et ça totalement changé sa vie, et je pense que cette lecture devrait être obligatoire dans tous les lycées de France et de Navarre, parce que si on pense que c'est symétrique le désir des hommes et des femmes, il y a beaucoup beaucoup de preuves qui indiquent que ce n'est pas le cas. Et Nelly Arcan avait une sorte de lucidité magnifique et une intelligence magnifique, et c'est elle qui peut-être parmi les premières a commencé à me dire: mais il y a peut-être quelque chose d'archaïque là-dedans. On est en train de jouer quelques formes à notre insu. Ce sont des atavismes qui remontent en nous. Le désir des femmes de se montrer, elle parle énormément de ça. Le fait que les femmes, et notamment au Québec, se font refaire le corps, se font ce qu'elle appelle une burqa de chair. C'est-à-dire, ce n'est pas comme se couvrir d'un voile, comme dans d'autres sociétés. C'est véritablement de la tête aux pieds retravailler tout à travers le maquillage. Sans s'enfermer dans une autre apparence, dans une espèce de carapace, au fond, un autre type de carapace construite. Quoi. Voilà, c'est l'affolement de l'image, ouais, véritablement. Mais alors, Nancy Youssel, parce que nous aurons du temps, évidemment, dans l'émission pour prolonger et comprendre tous les enjeux de votre vie. Mais enfin, très simplement, qu'est-ce qui vous a tout de même poussé à l'écrire? Parce que je crois qu'au fond, personne ne met en doute, finalement, votre féminisme, que vous-même vous rappelez régulièrement. Et pourtant, dans ce livre-ci, on a le sentiment que vous avez envie de vous attaquer à une sorte d'air ambiant et de dominante sur toutes les questions qui ont trait au genre, pour dire tout de même, et vous avez parfois la dent dure, hein, vous dites n'en déplaise aux queers ou n'en déplaise aux genristes, qui sont des illuminés, hein, parfois vous dites, voilà, le fait de l'être garçon et fille continue d'être perçu partout dans le monde comme significatif. Voilà, et il y a les garçons, il y a les filles, point. Ça paraît... Ah non, il n'y a pas point, il n'y a pas point. Il y a des garçons, il y a des filles, et puis ça se travaille, et dans toutes les sociétés, ça a été une des différences les plus férocement retravaillées. On a asséné le genre à un sexe et à l'autre, on a inventé toutes sortes de codes, de traditions, de rituels, vous de dites que la théorie du genre n'est pas seulement élitiste, elle est irresponsable. Pourquoi, Nancy Houston? Elle est irresponsable parce que si on décrète, comme c'est dit maintenant dans les manuels scolaires en France, qu'on naît homme ou femme, mais ensuite on devient ce qu'on choisit. Le sexe, c'est donné, mais le genre, c'est une chose qu'on décide librement en fonction d'un choix personnel. Ça veut dire que les jeunes filles peuvent se promener habillées n'importe comment dans n'importe quel quartier, et si jamais elles sont importunées, elles n'ont qu'à répondre « excuse-moi, je suis un homme ». Eh ben ça, c'est irresponsable. C'est pas simplificateur, ça, ce que vous dites là ? C'est irresponsable de ne pas vouloir réfléchir aux dangers spécifiques qu'encourent les filles par rapport aux garçons, parce que ce n'est pas la même chose que de pouvoir violer, que de pouvoir être violé. Ce n'est pas la même chose de pouvoir engrosser que de pouvoir être engrossé. C'est un peu the bottom line. Donc ce dogme de du genre, des études du genre, maintenant, à mon sens, ça devient un petit peu comme le marxisme lors de mon arrivée en France il y a 40 ans. C'est-à-dire, on n'avait juste pas le droit de le remettre en cause. Tous les intellectuels étaient d'accord, tout le monde parlait lutte de classe, c'était chic, il fallait pas faire remarquer ceci comme évidence flagrante de ce que ça ne marchait pas. Et le paradoxe avec les théoriciennes du genre, c'est que très souvent, voilà, elles n'aiment pas les femmes. Et elles n'aiment pas les femmes réelles. Elles n'aiment pas les préoccupations des femmes réelles, ni les comportements des femmes réelles. C'est quoi une femme réelle ? Non, mais juste quand on regarde le monde, comment ça fonctionne, on voit que les femmes sont extrêmement préoccupées par des choses comme... leurs enfants, la beauté, elles ont mille autres choses à faire aussi, mais ce sont des choses qui occupent une grande partie de leur esprit et de leur temps. Et ce n'est pas que de l'aliénation. On a envie de dire, un peu comme Brecht disait, il faudrait dissoudre le peuple et en élire un autre. Et voilà, il faudrait éliminer ces femmes-là et en inventer d'autres, parce qu'apparemment, on n'est pas content des femmes qu'on a. Et pour autant, ça n'amoindrit pas ce que vous dites là, effectivement, en même temps, votre réflexion et ou votre action, vos convictions de féministe, Nancy Houston. Et je vois bien qu'il y a le patriarcat, je vois bien que les femmes sont opprimées, et des citoyennes de deuxième zone, deuxième ordre dans le monde entier. Je vois bien qu'il y a des injustices criantes qui sont commises contre les femmes, genre excision, genre, une femme sur trois meurt sous le coup de son compagnon ou son mari en France chaque semaine. Et donc, je ne vais pas dire, ah non, tout ça c'est chouette, tout ça je suis maintenant d'accord, quelque chose comme ça. Mais il me semble que ces théories qui refusent de voir qu'il y a du donné et pas seulement de l'acquis sont dans une sorte de délire, comment dire, c'est un délire volontariste qui empêchent de voir la réalité autour de nous. Et cette réalité est une réalité allumeuse qui pousse les hommes à la consommation de la pornographie et qui pousse les femmes à l'angoisse au sujet de leur apparence. Et donc qui pousse les deux à acheter de plus en plus en plus de produits et d'images pour essayer de se rassurer et de se satisfaire. C'est donc une... vous dites repartons de la base en tout cas et défendons l'identité et l'identité biologique. Pardon ? Vous repartez, vous voulez qu'on reparte de la base pour cette question d'hommes et femmes et de repartir de l'identité strictement biologique. Mais on part de là qu'on le veuille ou non. C'est pas moi qui veux qu'on parte de là. Quand même encore aujourd'hui et depuis le début des temps, au moment de la naissance d'un enfant, on n'a jamais vu dans aucune société des gens s'écrier « Oh, c'est un être humain !» Jamais de la vie. On a toujours estimé... Vous dites dès la naissance, voilà, on va désigner par le sexe de l'enfant qui naît ce que pourra être en filigrane au fond sa vie ou son déterminisme futur. C'est une fille. Si c'est une fille, c'est ça l'information qui est apportée par le cri c'est une fille ou c'est un garçon. Si c'est une fille, cet enfant a la possibilité de porter dans son corps un autre être humain. Plus tard. Si c'est un garçon, il n'aura pas cette possibilité. Je pense que véritablement ce constat-là, cette différence-là, que les femmes sont fécondes et portent les garçons et les filles, Françoise Héritier a beaucoup écrit là-dessus, c'est le point de départ de la civilisation. C'est-à-dire chez les singes, les singes ne parlent pas parce que les singes n'ont pas à dire c'est un garçon, c'est une fille, en quelque sorte. Les singes, ils s'en fichent, oui, c'est les guenons qui mettent les bébés au monde et après, quoi, bon, c'est comme ça. Et ils n'ont pas attribué une signification à ce fait. Du moment que les êtres humains se sont demandé pourquoi, alors qu'il n'y a pas de pourquoi, il y a zéro pourquoi, c'est l'évolution qui a fait ça. On est une espèce primate comme d'autres espèces mammifères où il y a une différence de sexe, n'est-ce pas? Toutes les espèces animales ne sont pas sexuées, mais chez nous, si. Donc, à partir de ce moment-là, on a décidé, ah, c'est significatif, donc... Il faut que les femmes soient dominées, il faut que je m'approprie la fécondité de la femme pour savoir à qui sont ses enfants, et ainsi de suite. Tout le patriarcat se met en place à partir de cette injustice flagrante qui a été faite aux hommes. Donc si on refuse de dire qu'il y a une différence des sexes ou que c'est vraiment pas très important, la maternité, etc., on ne risque jamais de sortir du sexisme. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc Manchet. Je vous présente Brice Couturier, hein, Nancy Houston. Alors, votre chronique, c'est reflet du livre de Nancy Houston dans votre pupille ? Non, c'est plutôt autour de la théorie du genre, la substitution. Parce que la substitution du genre au sexe est le produit d'un courant important de la sociologie contemporaine, le constructivisme. Le constructivisme, plus qu'une méthode, est une doctrine qui tire son origine d'un livre déjà ancien, La construction sociale de la réalité, qui était publié en 1967 par deux Américains, Peter Berger et Thomas Luckman. Mais comme nombre d'essais américains importants, évoquons ceux d'Anna Arendt ou de John Rawls par exemple, il a été traduit en français avec 20 ans de retard. 20 ans, et il a donc exercé son influence avec un retard qui en a amplifié les effets. Alors, en tant que méthode sociologique, le constructivisme partait d'une bonne intention. Il voulait réunifier dans une théorie générale des concepts dont l'opposition systématique empêche de penser la totalité du monde social, comme le collectif et l'individuel, les faits objectifs et les représentations subjectives, les configurations sociales et les stratégies des acteurs, etc. Il enseignait, ce constructivisme, que ce que nous prenons pour la réalité n'est que l'effet de nos croyances collectives et que celles-ci procédant de processus dynamiques ne sont donc ni figées ni définitives. Car pour le constructiviste, la pire insulte, c'est celle de naturaliste. Tout, dit-il, est socialement construit. Rien n'est déterminé par la nature des choses. Celle-ci d'ailleurs n'existe pas. Mais elle est constamment invoquée par les acteurs pour justifier leur conservatisme et leur ignorance quant à l'origine de leurs propres croyances. Selon cette logique, la plupart des réalités sociales sont en fait des coquilles vides, de pures conventions, qui ne persistent que par le fait d'un accord tacite entre les membres d'une société donnée. À la limite, la science elle-même n'est qu'un discours dont les concepts ne renvoient à rien d'autre qu'aux conventions adaptées par l'institution scientifique en une aire géographique donnée, à un moment historique particulier. Alors, on voit à quel reproche s'expose cette doctrine, résumée à gros traits pour les besoins d'une chronique radiophonique. Nominalisme, puisque la science n'est qu'une langue bien faite, comme disait Condillac, et ici, les idées générales n'ont aucune réalité. Relativisme, il n'y a plus de vérité possible, là où tout discours ayant prétention à en être porteur doit être invalidé en tant que convention. En outre, les conventions des uns valent bien celles des autres, relativisme moral. Mais là où le constructivisme passé de méthode sociologique à doctrine dégénère en idéologie pure et simple, c'est lorsqu'il se mue en appel à transformer ou à éradiquer le donné social qui se présente comme inévitable, mais qui ne l'est pas, qui ne l'est qu'en vertu d'une convention sociale. Lorsqu'il se prétend émancipateur en incitant les dominés, les minorités, etc. à déconstruire la réalité elle-même qui n'existerait donc qu'en vertu d'une prégnance du paradigme dominant pour lui en substituer une autre plus conforme à leurs intérêts. Alors une frange du féminisme a plongé avec délice dans ce bouillon de culture. Elle y a trouvé des arguments pour déconstruire l'asymétrie entre hommes et femmes, réfuter l'idée d'un donné biologique contraignant en le ramenant à une pure construction sociale, fruit d'un processus piloté bien sûr par les hommes dans leur propre intérêt. Le sexe en tant que destin a été remplacé par le genre, produit de conventions sociales. Si l'on ajoute l'idéologie du libre choix qui est propre au sujet libertaire contemporain, libre choix de son style de vie, de ses appartenances, de son apparence, de son âge, de son sexe, et celle de l'idéologie de l'auto-construction de soi, à la limite être soi-même sa propre origine grâce à l'utérus artificiel, on voit comment la théorie de messieurs Berger et Luckmann a pu muter en une forme de féminisme radical. C'est celui-là même que vous réfutez, Nancy Houston, dans votre livre, mais ne craignez-vous pas qu'en appelant un retour à la biologie pour expliquer la différence sociale entre les sexes, le regardant et le regardé, qui doit à l'évolution de notre espèce, vous n'encourriez plus que quiconque le reproche de naturalisme. Nancy Houston. Merci de cet exposé limpide et très fin. Je n'appelle absolument pas un retour au biologisme. Simplement, j'essaie de montrer la contradiction qu'il y a à, d'une part, faire comme si il n'y avait aucune différence des sexes, et d'autre part, vivre dans une société où cette différence est soulignée et exacerbée à tout instant sous nos yeux. Et c'est véritablement cette schizophrénie-là qui est la nôtre actuellement. Vous avez raison, Brice Couturier, de dire « autant c'est un acquis de dire que tout n'est pas naturel ». Mais ça, personne ne peut le contester. L'humain, c'est quelqu'un qui est pris dans une culture. Autant, c'est un déni de dire que rien n'est naturel. Et c'est vrai que, pas seulement le livre dont vous parlez, que j'ai lu, mais beaucoup de livres après la Deuxième Guerre, il y a eu une sorte de crise dans l'histoire de l'anthropologie et une décision constante d'éviter toute référence à une nature humaine, de peur de tomber dans les travers nazis. Tout ce qui était le darwinisme social, dire... Les femmes sont naturellement mères, les nègres sont naturellement bêtes, les juifs sont naturellement corrompus et ainsi de suite. Et de ce fait, on est tombé dans le travers inverse, qui est le travers stalinien, si on veut, enfin, des pays communistes, qui est la théorie à la Lysenko, à savoir que tout est absolument construit, les choses, on peut hériter des traits acquis, etc. Et donc, on a versé d'un totalitarisme de la pensée dans l'autre, en remplaçant les excès des biologistes nazis par ceux des biologistes marxistes. Et on est encore là-dedans, tranquillement. Alors, la théorie du genre, elle portée par le féminisme universitaire, d'abord, elle a envahi, on peut le dire, le discours médiatique tout entier, et il domine même les manuels scolaires. On apprend à nos enfants, à nos adolescents, que la différence des sexes est sans importance, et que le genre est l'objet d'un libre choix. Nancy Houston, vous citez donc page 289, des phrases qu'on se trouve dans les manuels scolaires, donc on ne naît pas homme ou femme, on le devient en fonction de choix personnels, ou encore ceci, le sexe biologique nous identifie mâle ou femelle, mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons nous qualifier de masculin ou de féminin. Alors, quelles conséquences sur le développement psychique de nos adolescents ? Eh bien, nos adolescents, ils ont accès à la pornographie illimitée sur iPhone, sur leur iPhone et sur toutes sortes d'autres écrans. C'est disponible. Donc, ils peuvent très bien apprendre ça à l'école entre 3h et 4h de l'après-midi et sortir dans la cour de récré et regarder une femme se faire violer par un cheval, par exemple, ou des choses comme ça. Ça, c'est pas un problème. Ils savent aussi, bien sûr, que il y a un nombre indéfini de femmes. Les garçons savent qu'il y a des femmes à leur disposition. S'ils ont envie de faire l'amour, ils savent où trouver ça parce que ça fait partie aussi de notre culture. Ils savent qu'en marchant dans la rue, ils ont toutes les chances de tomber sur des images de femmes nues ou quasi nues, sur des seins à l'air et ainsi de suite. Et les filles voient les mêmes choses. Souvent, on fait comme si on ne voyait pas. Mais en fait, on voit les mêmes choses. Et donc, cette différence des sexes-là est accusée à chaque instant. On sait aussi qu'en ouvrant le journal du soir, on va voir des histoires d'hommes forts qui sont en train de se disputer pour avoir la présidence de la République, qui sont en train de se rouler les uns sur les autres sur les champs de foot, qui sont en train de s'entrezigouiller dans beaucoup de pays de ce monde, qui organisent ces joutes, ces guerres, et qui continuent même dans les petits parcs autour de nos villes et dans nos villes de se rentrer dedans pour prouver qu'ils sont forts. Et donc là aussi, on est amené à se dire, bon, ce que je vois n'existe pas parce que au fond, la différence des sexes n'existe pas, le masculin, féminin n'existe pas. Donc ils vivent une forme de schizophrénie, c'est ça votre... Nous sommes dans la dénégation de nos propres sens. Le discours est contredit en permanence par la réalité sociale. La réalité sociale, et moyennant quoi, nous n'arrivons pas à voir cette réalité sociale parce qu'elle nous est cachée par nos théories. Et une partie importante de cette réalité sociale, dans le discours théorie du genre, comme dans les industries de la beauté et de la pornographie, c'est l'élimination de la maternité qui était le point de départ de cette différence des sexes. Et c'est ça, véritablement... Maternité, fécondité, hein, vous dites. La fécondité du corps. La fécondité est au cœur de la question. Voilà, la fécondité est au cœur de la question. C'est pour ça que l'idée des travailleurs du sexe et que la prostitution est un métier comme un autre ne me convaincra jamais, parce que il s'agit véritablement d'un acte qui a à voir avec la vie et la mort. Le corps féminin, c'est le corps fécond. C'est lui qui pose problème. Quand un homme va avoir une prostituée, il a la question de la fécondité dans la tête. Mais vous savez, en fait, les hommes ont beaucoup plus la question de la fécondité dans le cœur ou dans le corps ou dans l'âme, je ne sais pas, peut-être pas consciemment dans la tête. Quand on le croit. Quand c'est un homme de Playboy, il n'a pas la question de la fécondité dans la tête, non? Pas dans la tête. Mais s'il ne l'avait pas quelque part, je pense que beaucoup, beaucoup plus d'hommes se feraient faire vasectomiser quand ils ne veulent plus d'enfants, et ils ne le font pas parce que l'idée de la fécondité, et je lisais un chapitre de Chris Hedges sur la pornographie aux États-Unis récemment, dans les manières d'éjaculer, excusez-moi, à 8h du matin, c'est difficile de parler de ces choses, sur le visage des femmes, sur le corps des femmes, mais ce que l'homme dit dans ces moments-là indique qu'il pense que ce sperme est bien fécond. Et donc c'est aussi une façon de régler ses comptes peut-être avec la mère, avec la colère d'être née, avec la colère d'être mortelle. Ce sont des choses très graves, c'est pas une partie de plaisir, la prostitution. On est dans une sorte de théâtre du rapport à notre mortalité. Et c'est pour ça qu'il y a tant de violence, et que les prostituées sont souvent en danger, qu'elles sont souvent agressées. Donc si tout ça disparaît sous les vocables rassurants de travailleurs du sexe, etc., on ne risque jamais de le comprendre. Oui, cela dit, il y a des questions d'actualité à ce sujet-là, quand même. J'aimerais savoir, parce que je n'ai pas peut-être tout à fait saisi quelle est votre, au fond, votre position sur la question de la prostitution. Il y a tout de même, notamment, des prostituées latinos, nous dit une dépêche AFP du 9 mai, qui exige une reconnaissance au sommet de l'OUA pour justement essayer, malgré tout, d'être protégées par rapport aux violences dont elles sont victimes. Absolument. Il y a également en Grèce des prostituées qui demandent qu'on les protège. Et qu'on prenne en compte leur situation précaire, et elles réfutent l'idée d'être arrêtées pour ou racolage ou pour drogue, parce que les situation de la crise est telle là-bas qu'au fond, la situation est pire encore. Et jusqu'au Bois de Boulogne, hein, ici, où il y a à nouveau eu des arrestations de prostituées pour racolage. Et certaines de ces filles arrêtées disent qu'elles ne racolaient pas, que leur métier est légal et que les hommes qui étaient dans leur petite camionnette sont montés d'eux-mêmes. Et elles demandent là aussi d'être défendues. Alors, il faut protéger, interdire. Quel est votre... Mais vous savez bien que je ne suis pas pour l'interdiction. Il y aura toujours l'offre, il y aura toujours la demande. Et ma proposition, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un service obligatoire prostitutionnel pour toutes les filles au sortir du lycée. Un petit peu comme le service militaire, c'est-à-dire que à ce moment-là, ça ne serait plus une honte, parce que si on estime que c'est nécessaire, indispensable, si les sexualités masculines et féminines fonctionnent de cette façon très asymétrique, il faut assumer, il faudrait qu'elles aient la sécurité sociale, qu'elles aient droit à la retraite. On pourrait être prostituée de carrière si on le souhaite. Les hommes pourraient, comme les femmes peuvent entrer dans l'armée, les hommes pourraient être des professionnels du sexe aussi. Ils le sont, bien sûr. L'immense majorité des clients, quelque chose comme 99%, ce sont des hommes. Donc, et ensuite, il n'y aurait plus... Le mot obligatoire, c'est ça qui explique un peu. Un service sexuel obligatoire. Vous voyez, on n'est pas entre nous là. Excusez-moi. Oui, comme le service militaire. Enfin, à la fois, c'est une boutade, bien sûr, et en même temps, je pense que ça pourrait nous faire réfléchir, parce que les hommes sont dans une hypocrisie, notamment à ne pas vouloir que leurs filles se prostituent, alors qu'ils vont voir des prostituées de l'âge de leurs filles. Il faut bien que ces filles soient les filles de quelques pères et mères, quelque part. Et donc, je ne vois pas pourquoi ce serait toujours les plus vulnérables, économiquement et psychologiquement, qui trinquerait. Je pense que si on estime que c'est une fonction dont notre société a besoin, il faut un petit peu la prendre en charge et l'assumer et arrêter d'être hypocrite pour que les femmes soient en bonne santé. Et puis ça éliminerait le problème de la virginité. Et ça serait vraiment bien. Toutes les filles sauraient que leur mère est passée par là. Toutes les mères prépareraient leurs filles. Ce serait un an et puis ça serait fini. Et puis la promotion suivante. Mais je vous sais pas. Vous n'êtes pas sérieuse quand vous dites ça. Mais vous trouvez quoi comme solution? Moi, je ne sais pas. La solution actuelle est épouvante. Vous n'êtes quand même pas sérieuse. Moi, je la trouve élégante, cette solution-là. Non. On n'en croit pas un mot. Non. Mais qu'est-ce que vous proposez de mettre à la place? Ah ben moi rien, mais je sais pas. Enfin je. Donc je moi rien, c'est tout le monde dit moi rien, oui, moi rien. Voilà. Moi je m'accommode très bien du fait que dans cette société allumeuse qui est la nôtre. On peut partir de ce que demandent quand même certaines prostituées. On peut contester d'ailleurs leurs demandes, mais quand des prostituées demandent qu'on les protège, qu'on reconnaisse. Absolument. Pour commencer, c'est la moindre des choses. Absolument. Donc qu'on les mille fois oui. Oui. Ça pose la question du consentement quand même, et on peut aussi penser d'un esclavage volontaire et reste un esclavage. Mais enfin bon, je voudrais poser une question plus de fond sur votre livre. En fait, il y a deux pistes contradictoires pour essayer d'expliquer le destin, enfin la symétrie, comme vous dites, entre les hommes et les femmes. Il y a la sociologie, on peut parler de construction sociale, de construction culturelle, et puis il y a la biologie, et c'est la piste que vous nous invitez à suivre avec le darwinisme. Mais il y a quand même une différence entre nos ancêtres préhistoriques et nous, parce que vous nous dites que finalement nous avons les mêmes gènes que nos ancêtres préhistoriques et que c'est la raison pour laquelle nous sommes dans le même rapport homme-femme que nous avons toujours connu, que ça n'a rien à voir par exemple avec le capitalisme. Mais ça a à voir, par contre, il y a quelque chose de nouveau, c'est la contraception qui est intervenue quand même dans les années 60-70, à savoir la libre maîtrise par les femmes de leur corps. Donc on ne peut pas non plus réduire les femmes à leur destin biologique comme ça pouvait être le cas de nos grand-mères, arrière-grand-mères, etc. Parce qu'il est intervenu cette révolution fondamentale qu'aujourd'hui les femmes sont maîtresses de leur maternité. Est-ce que ça n'introduit pas une révolution? Excusez-moi, mais j'en parle très très très longuement. Oui. Je ne dis absolument pas que nous sommes réduites. Encore une fois, je m'inscris en faux contre cette façon de présenter le livre, que nous soyons réduites à nos origines biologiques. Pas du tout. Elles sont là. Chaque société a construit des choses là-dessus. Et le paradoxe, et ça j'analyse très longuement, parce que c'est ce que j'ai appris de plus passionnant en menant cette réflexion, Le paradoxe, c'est tout au long du XXe siècle, à mesure qu'elles devenaient de plus en plus sujets, qu'elles arrachaient le droit de vote, le droit de travailler et surtout le droit de contrôler leur maternité, leur fécondité, les femmes se sont faites dans le même temps de plus en plus objets. Elles ont accepté, elles ont cherché, elles se sont arrogées le droit de dépenser de plus en plus d'argent sur leur apparence. Il y a 1 million de femmes avec des prothèses mammaires en France aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a 1 million de femmes françaises qui préfèrent leur image à leur sensation physique, à la sensualité de leur sein. Et ainsi de suite, et elles prennent des risques mortels en essayant d'être plus minces, comme on a vu avec le scandale de Mediator. Elles dépensent, elles achètent, voilà, les acquis féministes sont importants, mais les revues féministes ont disparu et les femmes continuent par millions d'acheter les revues féministes. Mais tout dépend de ce qu'on appelle gommer les différences. Gommer les différences salariales, ben, moi je suis pour. Hein. Mais oui, non, mais enfin voilà, il faut faire attention au discours. C'est une différence gigantesque encore en Belgique, hein, 15 à 20%. C'est la différence salariale entre les hommes et les femmes pour le même boulot dans les mêmes conditions. C'est pas anodin. Enfin, je veux dire, alors là, je suis pour une égalité, évidemment, et arrêter des discriminations qui existent, comprendre les mécanismes qui font que ces discriminations existent toujours aujourd'hui en Belgique en 2017. Voilà. Mais moi, j'abordais. Questions... Oui, mais c'est quand même des questions essentielles qu'on met un peu sur le côté. C'est comme, voilà, aujourd'hui en Belgique. Il y a, au moment où on se parle aujourd'hui, il y a eu 7 viols. Statistiquement, il y a eu 7 viols aujourd'hui en Belgique. Voilà, des femmes violées. C'est pas anodin. Donc voilà, je crois quand même qu'il y a et des comportements... Qu'est-ce que vous voulez dire en disant ça ? Mais non, c'est parce qu'en fait, toujours le reproche qu'on peut faire et aux études de genre et pour d'autres au féminisme, ce qui n'est pas toujours la même chose d'ailleurs, c'est cette idée qu'on veut gommer toutes les différences alors que les différences, elles sont bien là et elles sont souvent très négatives pour les femmes. Et jamais, comme je vous l'ai dit, jamais les études de genre ou autres n'ont nié des différences qui pouvaient être biologiques, dites naturelles. Mais je crois qu'il faut faire très attention à la naturalisation de la femme, à l'essentialisation pour l'instant, à ce retour à la nature qui n'est jamais très très progressiste. Moi, je ne parlais pas de ça, justement. J'essayais que vous compreniez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on est d'accord, une femme est ce qu'elle a envie d'être, voilà, et elle est inscrite dans une société. Elle doit pouvoir avoir le choix de sa vie, de ses comportements, et on sait bien que ses choix sont discutés, en tout cas, mais on est bien d'accord. Hein. Mais là-dessus, oui, il n'y a pas de problème, je suis complètement d'accord, mais il y avait aussi cette idée qui vient comme ça... Mais c'est souvent... Vous voulez pas que je reprécise ? Si, mais je comprends bien, parce que c'est souvent une critique que l'on fait au féminisme aussi, entre guillemets, twist. C'est pas le genre, là ? C'est pas le genre ? Oui, mais justement, souvent, on confond les deux, et Nancy Houston le fait aussi, hein, qu'on va... cette idée, je caricature à l'extrême, hein, de féministe avec un couteau entre les dents, extrêmement dangereuse pour la cohésion sociale et autres. Non, je crois que ce sont des mouvements qui réinterrogent une société dans son ensemble. C'est pour ça qu'il y a une portée plutôt révolutionnaire du mouvement féministe d'ailleurs, voilà. Il faut faire attention. Vous m'avez lancé sur Nancy Houston, hein, mais qui est quelqu'un pour qui j'ai la plus grande admiration et qui a écrit des choses tout à fait exceptionnelles, mais qui en même temps est revenu à une forme d'essentialisation et de critique que je trouve souvent très facile. Voilà, dans ses tout derniers textes, alors qu'elle a écrit d'autres choses tout à fait exceptionnelles par ailleurs. Hein. Je crois qu'il y a d'autres combats et des combats plus importants aujourd'hui que ceux-là, mais bon, ça c'est un choix personnel. Que cela, lequel précisément, parce que quand vous parlez d'essentialisation, pour vous, ça a l'air d'être évident, mais moi, je ne comprends pas. Oui, c'est de réassigner la femme à la maternité, à son corps. Moi, ce que je comprends de Nancy Houston, et ça me parle, c'est-à-dire que, allez, comprenez-moi bien, moi, je suis une femme, j'ai joué au foot quand j'étais petite, je montais dans les arts, enfin voilà, qu'on me foute la paix, j'ai envie d'être comme j'ai envie d'être, d'accord ? On sait que dans cette société... Comme vous expliquez, enfin, on sait, tout le monde ne le sait pas. Et c'est pour ça que c'est super intéressant de suivre ce master ou alors de se renseigner qu'il y a plein d'inégalités. Alors pour vous, ça coule de source, évidemment, parce que vous avez le nez dedans, vous savez tout de suite de quoi vous parlez. Mais quand vous parlez des pensions, je ne suis pas sûre que toute la population... alors peut-être dans les faits, dans le concret, évidemment, les gens le sentent, évidemment. Mais qui le dit tout haut, ça? Vous voyez, qui le met en perspective? Ben, des gens comme vous, on devrait plus donner la parole sur ça, ça c'est une chose. Après, il y a ce sexe féminin, ce sexe masculin, et c'est simplement de dire nos hormones. Moi par exemple, je prends un exemple pour que vous compreniez, mais voilà, ça, on s'en fout en même temps, mais c'est pour parler de la femme, quoi. Je sais pas d'ailleurs pourquoi je parle de ça, hein. C'est pour faire peut-être un petit tillet. J'ai 45 ans bientôt, ben je sens mes hormones, hein, vous voyez, ça travaille à l'intérieur. Voilà, je suis quand même une gonzesse, quoi. Je suis pas, évidemment, je ne sais pas ce que c'est d'être un gars, puisque je n'ai jamais été dans la peau d'un gars. Mmh. Donc c'est compliqué. Mais du coup, je trouve ça intéressant, même si je ne connais pas complètement la pensée d'une Nancy Houston, mais je trouve ça intéressant de ne pas avoir peur de dire aussi on est des femmes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On est bien d'accord, jusque-là, il n'y a pas de problème. Oui, mais jusqu'à nouvel ordre... Les questions trans, évidemment, et... Ça, c'est encore autre chose. Genre. Oui, c'est autre chose, mais ça peut venir bousculer aussi le trouble dans le genre et dans le sexe, qui peut aussi être extrêmement intéressant, d'ailleurs. Ouais. On les oublie quand même souvent, donc voilà. Mais oui, on est d'accord, évidemment. Car... Ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez avoir le choix de jouer à la poupée ou au foot, comme vous le disiez tout à l'heure, en étant qu'il n'y a pas des politiques qui vous empêchent de le faire, ce qui est quand même en partie le cas, puisque, comme par hasard, il y a très peu de filles qui jouent au foot en Belgique. Hein. C'est pas anodin non plus, puisque c'est un sport hyper féminin en Asie ou aux États-Unis. C'est le sport féminin quasi par excellence, alors que chez nous, c'est le sport viril par excellence, qui démontre bien que tout ça, on est bien d'accord, ce sont des constructions sociales et qui ne sont pas spécialement liées aux hormones. C'est ça, moi, c'est là où est le danger. Si je reprends l'exemple que vous avez cité... Mais je veux dire, vous êtes d'accord que jusqu'à nouvel ordre, enfin, en même temps, ça bouge tellement vite toute la technique qui permet de faire des enfants maintenant hors... Vous voyez, donc c'est... Voilà, c'est... Un enfant sur 20 en Belgique, je viens de l'apprendre il n'y a pas longtemps, mais un enfant sur 20 en Belgique naît de procréation médicalement assistée. Hein. Donc, c'est énorme. Hein. Donc, oui, évidemment, les choses bougent énormément, le médical, le technique, et évidemment, ça influe. Enfin, tout ça est assez passionnant, parce qu'on voit les choses bouger autour de nous, d'une certaine manière. Hein. Nous sommes en laboratoire vivant, donc je suis historienne, mais le présent m'intéresse quand même beaucoup. C'est pour ça que c'est intéressant de vous donner la parole plus souvent, je trouve, parce que ça donne une... Ben voilà, ce master en genre, quelque part, ça... C'est bien, c'est une bonne chose que ça se mette en place. Je vous dis le contraire. Mais pour revenir à cette histoire d'homme-femme, moi aussi, ce que je... Enfin voilà, c'est des questions comme ça qui partent un peu dans tous les sens. Après, ce sera bien organisé, vous inquiétez pas, hein, parce que là, il y a eu un petit blanc, mais c'est cette idée aussi de devoir ressembler à un monde qui, à la base, c'était patriarcat. Ça l'est toujours, hein, ceci dit, mais je crois que ça va... Avec le temps, tout ça, j'espère, ça va bouger. De devoir imiter un monde d'hommes pour finir. On est quand même là-dedans, je trouve, pas mal. Oui, bien sûr. Partout, dans le domaine du travail notamment, l'idée de ressembler au modèle dominant, qui est quand même un modèle masculin, pour pouvoir réussir, justement, on lutte contre... Enfin, à titre personnel ou d'autres dans mon institution ou ailleurs, on lutte contre ça, puisque c'est pouvoir s'affirmer pleinement avec nos diverses identités, de pouvoir vivre. Voilà, il y a un modèle masculin auquel, qui soi-disant est neutre, auquel il faudrait que tout le monde ressemble. Et c'est fortement problématique, là, on est tout à fait d'accord, évidemment. Hein. D'où l'idée. Mais c'est aussi le problème de jeunes femmes, hein, parce que beaucoup de jeunes filles que je rencontre en donnant cours, elles sont beaucoup moins sensibles souvent au discours. C'est très intéressant que les jeunes garçons, mon type de discours, enfin, ou mes cours, quand je parle de genre, quand je parle de questions de femmes, d'égalité, de féminisme, parce qu'en fait, elles ne voient plus le problème. La mixité à l'école. Elle ne voit plus le problème. Accès à la contraception, liberté, tout est gagné, accès aux études, elles peuvent choisir, elles peuvent tout faire. Et donc, elles ne se rendent pas compte, en fait, encore des constructions qui sont là sous-jacentes et du discours. Et souvent, je les retrouve quand même, puisque je vieillis de plus en plus. Et vers 30 ans, souvent, elles reviennent et me disent « Vous n'aviez pas tort ?» Parce que tout à coup, elles veulent justement ou accéder à la maternité, ou voilà, travailler, faire carrière, etc., etc. Et là, tout à coup, elles se rendent compte que tout compte fait, le modèle dominant n'est quand même pas le leur. Alors que les jeunes hommes, parce que quand on parle de genre, on parle aussi d'hommes quand même, les jeunes hommes ont... se disent peut-être plus facilement féministes aujourd'hui ou intéressés par ces questions parce que justement le genre a questionné, évidemment il provient à la base aussi d'un mouvement de femmes et de théoriciennes et voilà d'intellectuels, Simone de Beauvoir et bien d'autres, qui vont penser la situation des femmes, et évidemment on la pense de manière réflexive, c'est-à-dire que si on parle des femmes, il faut bien savoir ce qui se passe du côté des hommes, et évidemment si d'une certaine manière les femmes ont été invisibilisées dans l'histoire, d'une certaine manière les hommes aussi, avec le petit h, le masculin également, qui est aussi construit en grande partie, qui, voilà, hein, on n'en est pas femme, on le devient, c'est la fameuse phrase de Simone de Beauvoir, ben, on n'en est pas homme, on le devient aussi. Et donc, quelles sont là les constructions, cette idée de performativité, de virilité, de, voilà, c'est aussi quelquefois lourd à porter pour de jeunes hommes, des garçons. Et donc, c'est aussi extrêmement intéressant à analyser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la masculinité est interrogée dans les universités, dans les études, la paternité également. Enfin, voilà, il y a énormément de recherches qui s'ouvrent sur ces questions-là, qui n'avaient jamais été questionnées avant, tellement elles paraissaient soit évidentes, soit inquestionnables, d'une certaine manière. Et aujourd'hui, elles le sont, et c'est très bien. Mais n'ayez pas peur, vous, de m'emmener... moi, je connais pas toute la matière, donc allez-y, n'ayez pas peur de m'emmener là où vous avez envie aussi, hein. Parce qu'on n'arrête pas de parler de Simone de Beauvoir. Bah bon, voilà, Simone de Beauvoir, je ne peux pas vraiment m'identifier à elle, je vais vous dire. Elle vient d'une bonne famille. Hein. Ce serait quoi le penchant, bien, peut-être aussi de bonne famille, mais le penchant ici en Belgique de femmes vraiment qui ont marqué l'histoire des femmes. En Belgique ? Oui. L'histoire, oh, en Belgique, il y en a plein aussi, hein, je ne sais pas moi. Mais pourquoi on parle souvent de Simone de Beauvoir ? Simone de Beauvoir a écrit un ouvrage fondamental en 49, hein, Le deuxième sexe, où elle pose quand même des questions, enfin je viens de le résumer évidemment avec cette phrase ultra célèbre, on ne naît pas femme, on le devient. Qui est quand même quasi un slogan, hein, toute cette construction justement, donc c'est un ouvrage majeur qui va véritablement questionner, poser des questions, déranger, voilà, c'est une sorte de brûlot, mais qui est très très bien construit et qui va vraiment être apprécié notamment aux États-Unis et nous revenir des années plus tard par sa traduction, par la force du monde académique américain. Donc Simone de Beauvoir, c'est une star. Donc c'est vrai que ça peut paraître vieillot aujourd'hui, même si je suis persuadé qu'il faut relire Le deuxième sexe et qu'elle a écrit des choses tout à fait fondamentales, comme il faut relire, et elle est de plus en plus relue, Virginia Woolf, qui a aussi écrit des choses fascinantes, comme Trois Guinées, Une chambre à soi... qui sont fondamentaux, y compris pour l'histoire des femmes. Donc oui, Simone de Beauvoir vieillit un peu. Enfin moi, je trouve que quelqu'un qui, moi, me fascine, mais qui ne fascine pas d'autres personnes aujourd'hui, qui n'est pas belge, mais qui est française, Virginie Despentes, par exemple, ben voilà, pour moi, et sur le féminisme, et sur le genre, et sur les sexualités, dit des choses qui sont... tout son débat autour du viol, autour du porno, sont pour moi véritablement des avancées. Alors c'est souvent des brûlots avec elle, hein, King Kong Theory, voilà, c'est des manifestes. Donc c'est très... ça joue pas mal sur l'émotion aussi, mais elle apporte véritablement, en tout cas, je ne vais pas dire qu'elle vulgarise une pensée féministe, une pensée presque queer, enfin, elle apporte véritablement des choses qui me paraissent tout à fait essentielles. Mais pour revenir à votre question, évidemment, qu'on a des femmes qui ont marqué l'histoire en Belgique, notamment, Isabelle Gatit-Gamon, par exemple, on a des penseuses qu'on ne connaît pas, mais ça, on a l'exemple belge aussi, hein, les penchants de la Belgique, où sont nos intellectuels, mais Françoise Collin, une philosophe belge qui a fondé les Cahiers du Griffe dans les années 70 et qui a été vraiment une à la base du féminisme en Belgique, la pensée féministe. Voilà, elle est décédée il y a quelques années, c'était une personnalité, une grande penseuse du féminisme, quelqu'un comme Vogelpolski, Eliane Vogelpolski, qui était une juriste qui a soutenu notamment la grève des femmes à Herstal en 1966. Hein, on y revient, à travail égal, salaire égal, qui a été faire bouger le droit européen pour ce type de questions, qui a soutenu aussi les hôtesses de Assabena quand elles faisaient grève en 68, puisque on leur faisait passer après 35 ans un concours de beauté pour voir si elles pouvaient rester plus longtemps, et après 40 ans, normalement, elles étaient éjectées, donc elles devaient passer devant un jury composé évidemment à 90% d'hommes pour voir si elles étaient assez belles ou pas pour rester hôtesse de l'air. Voilà, il y a eu là des combats, des mouvements, des manifestations, et puis aussi un combat un peu dans l'ombre d'une certaine manière, mais juridique, judiciaire, mené par quelqu'un comme Eliane Vogelpolski. Voilà, ce sont quelques exemples comme ça, hein. Il y en a plein d'autres, et puis aussi des hommes féministes. Hein. Donc voilà, il y a plein d'autres personnalités à souligner. Mais justement, moi, un de mes grands combats, mais qui est, je crois, fondamental, c'est redonner des visages à ces gens-là aussi dans l'histoire. Les manuels scolaires, ça paraît banal, mais c'est assez fondamental. C'est ce qui reste aussi d'une... Je vous parlais tantôt de ces féministes qui recommencent en 70 en disant l'année zéro de la libération, hein, recommencer à zéro véritablement notre histoire, comme s'il n'y avait pas d'histoire avant, hein, et des femmes, et du mouvement féministe notamment. Et donc je crois que c'est... Voilà, on ne se rend pas compte de cette histoire, à quel point elle était importante, que ce qu'on croit acquis aujourd'hui a été dur acquis d'une certaine manière. Ça a été des combats de femmes, d'hommes, des compagnons de route aussi, qui ont combattu aux côtés de femmes, de féministes, pour qu'on puisse aujourd'hui accéder à une contraception, avoir le droit d'avorter. On fiche la paix. Voilà, voilà, ça paraît banal, mais c'est pour ça que c'est fragile, parce que ce sont des acquis, ça a été des luttes, et donc c'est peu connu, on a peu de figures. Voilà, quand on parle de féministes belges, ben on va hésiter pendant quelques minutes, alors qu'il y en a. Donc je crois qu'il faut véritablement marquer, hein. En France aujourd'hui, je crois que je viens de voir les chiffres, que 2% des noms de rue sont portés par des femmes. C'est pas anodin, l'espace public, hein, ce ne sont que des noms d'hommes, par exemple. Alors je dis pas que c'est fondamental et que demain il faudrait se battre et manifester, rien que pour ça, il y a bien d'autres choses aussi importantes. Mais ce n'est pas anodin, c'est de l'ordre du symbolique, mais ça construit quand même notre espace mental. Et donc, voilà. Mais redonner, je crois qu'il faut véritablement que les femmes aient leur place dans les manuels d'histoire au même titre que les hommes. Et ça, c'est loin d'être gagné, quoi. Donc là, je crois qu'il y a vraiment un travail de transmission, c'est la transmission qui est peut-être un de mes combats, c'est de transmettre aux autres générations et aux futures générations le passé, parce que je crois que quand on a connaissance de ce passé, on agit déjà différemment au présent. Il faut avoir connaissance de ce passé, il faut écrire, hein, Valérie. Mais j'arrête pas. C'est vrai ? Vous publiez des bouquins ? J'ai fait ça, ouais, un peu, mais oui, je devrais écrire beaucoup plus. Mais bon, transmettre, c'est aussi des conférences, c'est aussi des cours, c'est aussi en master genre, on y revient. C'est aussi tout ça, hein, mais oui, évidemment qu'il faut écrire et qu'il faut être toujours réussir à transmettre au mieux. Je crois que c'est fondamental pour tout chercheur d'ailleurs, hein. Ici, chercheuse, la recherche se fait en la transmettant aussi. Une recherche pour soi tout seul, ça fait rarement avancer l'histoire de l'humanité, hein. Par contre, une recherche que l'on peut transmettre est fondamentale. Oui, c'est ça. Et puis la jeune génération aujourd'hui, en 2017, vous le disiez tout à l'heure, hein, elle aurait tendance à dire « Oh, mais... c'est gagné, le combat de la femme, il a évolué, on n'est plus à cet âge-là, dans ces temps-là. » Et en fait, mais du coup, oui. Et en même temps, voilà, c'était il y a quelques années, et puis là, maintenant, on voit qu'un poindre, enfin, le hashtag MeToo, évidemment, a peut-être visibilisé un peu plus les choses, mais on voit quand même pas mal de jeunes femmes, de jeunes hommes prendre des positions quelquefois, je vais pas dire dures, mais enfin quelquefois très polémiques, qui agissent, qui lisent énormément. Hein, le partage de l'information maintenant tout va très vite sur les réseaux sociaux, et on voit quand même deux nouvelles générations de féministes qui se posent des questions, qui parlent d'intersectionnalité, qui, enfin voilà, de genre, de sexualité, de qui ont intégré quand même des concepts et des notions. Quelquefois par eux-mêmes, vu que ça ne se transmet pas. Et donc, voilà, je trouve qu'il y a des débats maintenant, aujourd'hui, entre groupes féministes, notamment, avec énormément de jeunes femmes, surtout les féministes, féminismes existants, parce que, bon, il n'y a pas qu'un seul féminisme, évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Et donc, ça débat beaucoup, et ça, je crois que c'est aussi une richesse du mouvement. Et peut-être une question à la con, mais qu'est-ce qui pourrait rassembler les femmes du monde ? Qu'est-ce qui pourrait rassembler les femmes du monde ? Lutter contre les discriminations, mais les discriminations, il y a quand même un socle commun dans tous ces féminismes, même si évidemment que une bourgeoise blanche hétérosexuelle dans un pays industrialisé âgé n'aura pas la même prise de conscience et les mêmes combats sans doute que d'autres. Mais je crois qu'une chose qui rassemble pour l'instant, c'est sans doute les violences sexuelles, le harcèlement. Et on le voit d'ailleurs, hein, le hashtag MeToo, on le retrouve dans toutes les langues, un peu partout. Et là, parce que là, on soit blanche, bourgeoise, hétérosexuelle ou lesbienne afro-américaine, enfin, je pourrais dire le contraire d'ailleurs, parce que moi-même, je suis dans des stéréotypes, là. Ben, elles ont toutes vécu ça. Et donc, oui, là, je crois que c'est un vrai combat qui parle sans doute plus aux femmes, parce qu'il n'y a pas... Il paraît qu'il y en a quelques-unes, mais enfin, elles sont quand même rarissimes. Toutes les femmes ont au moins vécu ça une fois dans leur vie, d'être harcelées, sifflées, voire violentées. Donc, je crois que c'est peut-être le socle commun de l'expérience d'être femme. Mais l'expérience d'être femme, c'est important. Hein. L'expérience d'être femme, c'est important. Ben oui, on a une conception de nous, de notre corps, c'est ce que les féministes appellent aussi quelquefois ou souhaitent une forme de sororité, hein, entre sœurs, enfin de compréhension de l'autre. Je dis toujours aussi en parlant du harcèlement pour l'instant, vous êtes parent, vous êtes mère ou père et vous avez deux enfants, une fille et un garçon. Je suis sûr qu'à tous les parents ils ne diront pas la même chose quand leurs enfants sortiront et qu'ils seront ados et qu'ils iront en soirée. Je ne dis pas la même chose à ma fille. Enfin, je veux dire que si j'avais un garçon, c'est évident. On dit des choses différentes. Et bon, on s'en rend même pas compte d'une certaine manière. Le prends soin de toi ou fais attention. Et je ne dis pas qu'un garçon ne risque évidemment rien dans l'espace public. Hein, c'est pas. Mais il ne risque pas la même chose. Et nous, on sait ce qu'on veut dire par là. Et en fait, très vite, et c'est peut-être ça le pire, la jeune fille l'a intégré aussi. Et c'est aussi très bien ce que ça veut dire. Fais attention. Donc voilà. Ces angoisses-là, ces peurs-là, ces comportements-là sont quand même intégrés chez toutes les femmes très vite, très jeunes, et là, partout dans le monde. Enfin, là, je crois qu'il n'y a aucune différence, ni de classe. Il y a ça qui est en commun. Ni de race, ni de... Voilà, il y a quand même là, le fait d'être femme, ça signifie quelque chose. Oui, et en même temps, c'est dingue qu'en 2017, en tout cas, on va parler de l'Europe, hein, parce que de toute façon, moi, je parle déjà pas anglais, donc je sais pas aller. Je sais que ça s'est passé avec l'affaire Weinstein. C'est quand même fou aujourd'hui qu'il y a cette liberté de parole qui soit balancée, quoi. Hein. Ça existe depuis la nuit des temps, cette violence sexuelle et compagnie, et c'est aujourd'hui. C'est quand même bizarre la vie, non? Le monde, la société. Aujourd'hui, ça y est, ça s'est diffusé via les réseaux, on en prend conscience, alors que bon, allez, on arrête là. Oui, en même temps. C'est quoi qui se joue aussi ? C'est pensé, c'est analysé, c'est réfléchi, justement, notamment par des penseuses féministes qui ont théorisé, qui ont essayé de comprendre aussi la domination masculine sur le corps des femmes, sur cette idée de pulsion incontrôlée, etc., etc. Enfin, Françoise Héritier, hélas, qui qui vient de nous quitter, l'a écrit il y a bien longtemps et le décrivait encore merveilleusement bien quelques jours avant son décès. Donc oui, évidemment que tout ça est connu, analysé. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ce qu'on a accepté pendant très longtemps devient inacceptable ? Qu'est-ce qui fait que cette parole se libère ? C'est ça qui est assez passionnant. Et qu'est-ce qui se joue ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui se joue ? Vous qui êtes un peu dedans, tiens, dans ce sujet-là, je veux dire. Je vais pas dire que c'est la goutte d'eau, parce que ce type d'affaires existait il y a 10 ans, hein, mais il y a un moment donné où une jeune génération, je crois, dit « ça suffit ». Et elle éveille chez les autres le côté « ben oui, je vis ça aussi, ce que j'ai intériorisé, ce que j'ai accepté pendant si longtemps est devenu inacceptable ». C'est vraiment le seuil qui balance, hein, et ça, c'est assez passionnant d'essayer de voir ça aussi déjà de l'extérieur et d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que quand on voit l'affaire DSK il y a quelques années, mais qui n'a pas eu de ce point de vue le même retentissement. Alors là, il y avait encore des questions de classe, de race. Enfin voilà, il y avait vraiment aussi des questions d'intersectionnalité extrêmement intéressantes à poser. Aujourd'hui, on est encore un pas plus loin d'une certaine manière, avec un retentissement plus important. Et donc avec, oui, cette... ces femmes qui osent enfin parler, mais c'est pas récent en soi, c'est l'impact médiatique aussi, hein. C'est les réseaux sociaux aussi. C'est les réseaux sociaux, c'est le hashtag, hein, qui remplace les slogans féministes des années 70. C'est le hashtag est aussi passionnant à étudier de ce point de vue-là, qui fait véritablement exploser la toile, et tant mieux, hein. Je veux dire, il faut parler, il faut dire, il faut s'exprimer, puis il faut voir que faire de cette parole une fois qu'elle a été exprimée et comment en faire quelque chose de positif. Et si, petite parenthèse qui a limite rien à voir avec notre sujet, mais je veux dire, les réseaux sociaux, j'ai lu ça il n'y a pas tellement longtemps, qu'on pourrait aussi censurer, comme dans certains pays, tellement il y a cette espèce de liberté aussi. Je pense que les réseaux sociaux n'ont pas rien à voir dans le fait de diffuser comme ça des paroles de gens, vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait vachement du bien aussi. Parce que... Quand je vous disais que ces jeunes aujourd'hui viennent avec des concepts, des réflexions, etc., qu'ils n'apprennent pas ou peu ailleurs, bah ils les trouvent aussi sur les réseaux, hein. Et donc il y a là une prise de conscience autodidacte, quasi, d'une certaine manière, ou en tout cas on se rend compte qu'on pense la même chose que quelqu'un d'autre, et puis voilà, la parole est diffusée, et donc ça c'est tout à fait passionnant. Évidemment, moi je le vois de manière positive, mais il y a aussi la parole de haine qui se diffuse aussi comme une traînée de poudre, hein. Là on est bien d'accord, hein. Mais enfin là j'enfonce les portes ouvertes en vous disant. Et puis surtout on accentue un peu le côté positif du réseau, quoi, quelque part on peut aussi le regarder comme ça. D'ailleurs, le pouvoir est occupé à réfléchir là-dessus, parce que ce serait bien de le censurer un peu, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Soit on s'égare du sujet, on arrive à la fin. Valérie, comment ? Piette. Piette, mais oui, Piette, Valérie Piette. Quelque chose que vous auriez à dire, que je n'ai pas posé de question pour vous solliciter dans ce sens-là ? Vous avez tout dit ? Vous aimeriez terminer sur quoi, ou pas forcément terminer, mais voilà, sur cette idée. Moi, je regrette un peu l'histoire de Nancy Houston. Là. Je ne sais pas vers quoi je suis allée, là. Non, j'avais simplement envie... de faire une émission, après, sur Nancy Houston. Non, mais j'avais envie... Non, moi, elle m'a pas mal déçue ces derniers temps. Voilà, mais c'est à titre personnel, là. Ouais. Je n'implique personne d'autre, mais je l'avais été l'entendre il n'y a pas longtemps, quand elle était passée à Bruxelles, et je trouvais que c'était un peu pauvre, son argumentation est un peu très classique et très facile d'une certaine manière. Mais voilà, chacun ses goûts. Et pourtant, elle a écrit tellement de choses. Mais voilà, c'est la vie. Peut-être elle a été mal comprise, non ? Tu ne te dis pas que tu as mal compris ce qu'elle voulait dire ? Non, je ne crois pas. Je l'ai lu aussi. Elle dit plus ou moins la même chose qu'est-ce qu'il y a dans ses ouvrages. Non, je crois que... Ben voilà, on va pas lancer la polémique, hein. Chacun pense ce qu'il a envie de penser, mais j'ai pas envie non plus qu'on discrédite trop le mouvement des femmes, et c'est souvent très facile à faire, ça se fait facilement. Voilà, moi, je suis pas sûre qu'elle discrédite, parce que je fais gaffe aussi justement à ces réseaux sociaux, l'idée, vous avez une idée de départ, et puis pour finir, elle se transforme, et c'est plus du tout ça ce que disait la personne. Ça aussi, il faut faire gaffe. Bon, après, voilà. Ouais. Oui, on reviendra, mais voilà, moi je regrette d'avoir... On pourra parler de Virginie Despentes, si vous voulez, je préfère la choisir. Elle est incroyable aussi, voilà. Elle, hein. Oui, j'aime bien aussi, elle a une voix incomparable, elle. Oui, tout à fait. Allez, on terminerait sur quoi alors, Valérie Piette ? Une référence, on peut taper pour aller voir quoi, comment ? Mastergenre.be. Voilà, les inscriptions sont évidemment fermées là pour l'instant, mais pour l'année prochaine, on espère pouvoir continuer comme ça. Le Mastergenre and diversité, gender and diversité du côté néerlandophone, qui existe quand même depuis lui 3 ans, à 200 inscrits là maintenant. Mais donc on espère pouvoir continuer comme ça aussi et de pouvoir véritablement donner ces lunettes de genre à plein de personnes. Donc mastergenre.be, inscrivez-vous. Hein, c'est vraiment un beau projet. J'aurais aimé suivre ces cours il y a des années. Moi aussi, c'est une bonne chose en tout cas. Oh oui. Merci, Valérie. Merci à vous.